Puis après ça, vous allez voir que, il y a un cheval qui sort, deux chevaux qui sortent, et finalement, vous allez voir que vous êtes des bons cowboys. Mais si vous ne donnez pas la chance d'ouvrir la barrière, à ce moment-là, vous ne pourrez jamais avoir la mesure de votre capacité de tirer le gun. Bon, y a-t-il des situations privilégiées qui permettent à une personne d'ouvrir la fameuse barrière? Est-ce qu'il y a des situations où on peut vivre l'impression d'être intelligent? Je prends un exemple, une personne qui ne se sent pas intelligente, qui va expliquer à quelqu'un qui est moins intelligent qu'elle quelque chose et d'y faire comprendre. Est-ce que c'est un moyen pour cette personne-là de se savoir intelligente ou c'est ça la cale plus? Un moyen de faire reconnaître une personne qui est intelligente, c'est d'y dire qu'elle l'est quand elle vous dit quelque chose d'intelligent, au lieu de toujours la questionner et essayer d'avoir sur elle une ascendance. Donc c'est de lui reconnaître. Si elle a un petit peu d'intelligence, reconnaissez-lui ce petit peu-là, sans dire que c'est un petit peu d'intelligence. C'est intelligent, ça. Fait que là, elle va prendre confiance, elle va s'habituer à l'être. On n'est pas habitué à l'être parce qu'on s'est fait dire qu'on n'était pas. Okay. C'est quand on est à l'université, là, quand on a des doctorats, là, qu'on établit qu'on l'est parce qu'on nous donne un papier. Mais il n'y a pas de danger de rendre la personne dépendante d'une forme d'approbation ou une personne qui est intelligente. L'approbation, c'est la reconnaissance. Mais pas une personne qui n'est pas intelligente, c'est difficile. Ça n'existe pas une personne qui n'est pas intelligente. Non, mais. Il y a des gens qui sont intelligents un petit peu. Il y a des gens qui sont intelligents un petit peu plus. Mais tout le monde a un petit peu de lumière. Un homme qui n'a pas de lumière, ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'on pense. Donc, il y a de l'intelligence. Sinon, c'est très astralisé. Fait que si quelqu'un vous dit quelque chose qui a de l'allure, ben, tu dis, c'est ça. T'as raison. Bon. Oui. C'est intelligent, ça. Quand est-ce que, je vous donne un exemple, le stupide. Quand est-ce qu'un homme va arriver, puis il va voir un bel homme, il va dire, maudit que t'es beau. C'est assez rare. C'est rare, hein? Maudit que t'es beau. Oui. Une femme va plutôt faire rare. Oui. Bon, ben, c'est la même chose au niveau de l'intelligence. C'est rare qu'on va dire, c'est intelligent, ça. Oui. Ouais, c'est intéressant. C'est quoi le mécanisme qui fait que les gens sont sûrs, ça? Ce qui, on appelle générosité. Ça prend de la générosité pour dire à quelqu'un qui est intelligent. Ah, c'est facile de dire à quelqu'un qui est intelligent quand il y a beaucoup de ça. Mais c'est pas lui qui a besoin. C'est l'autre qui a besoin. Là, ça prend beaucoup de générosité pour dire à quelqu'un, t'es intelligent. T'es intelligent, ça. C'est intéressant, ça. Parce que tout le monde en a des flashs. Il y en a, ça dure encore une seconde. Mais c'est un flash. Oui. Nous autres, on veut un des flashs qui durent 2 heures. Ouais. Flash. Hein, c'est intelligent. Mais ça fait partie de la générosité dont je parlais tout à l'heure. Et les hommes n'ont pas suffisamment de générosité. Puis savez-vous pourquoi ils n'ont pas? Parce qu'ils sont trop occupés. Ils ont trop de problèmes dans leur propre intelligence. Parce qu'ils ne savent pas, puis ils ne réalisent pas eux autres qui en ont de l'intelligence. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne leur a pas dit aussi qu'il l'avait. C'est bon pour tout le monde, ça. C'est une pilule pour tout le monde de se faire dire que, c'est intelligent, ce moment-là. C'est vrai. Fait que quand le monde s'habituera, surtout les gens conscients en évolution, s'habituera à se faire dire, c'est intelligent, ça. À ce moment-là, la personne apprendra à prendre confiance, parce qu'on est, notre confiance a été détruite. Oui, c'est vrai. Je prenais l'hôtel à Montréal, là. What's the hotel, Montreal? Where they're doing the jewelry tonight. Le Bonaventure, là. Il y a une exposition de joaillerie, là, Bonaventure, là. Il y a un type, là, que je connais, là, qui est là. Puis, il est pas à l'école. Il était pas bon à l'école. Il avait pas de bonnes notes quand il était à l'école. Il a vécu pendant des années, puis il a questionné son intelligence en tant qu'artiste pendant des années. Il en a souffert pendant des années. Là, il vient faire une exposition de joaillerie, là, au salon, dans le casier 728, là, 728 de la carte. Puis, il y a 728. Il a fait quelque chose d'absolument remarquable, là. Là, il rentre dans son déjà. Là, créatrice, là, il est bien. Là, il commence à savoir qu'il était intelligent comme artiste. Il a souffert pendant des années de temps. Pourquoi est-ce qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne disait pas que c'était intelligent? Il y en a combien de gens comme ça qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas à l'université, qui cherchent une identité créatrice parce que l'homme, il faut que...